La langue française est pleine de dictons pas toujours faciles à comprendre. Mais vous allez pouvoir percer leurs secrets grâce à la nouvelle collection de livres Happy Meal, écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. À chaque fois, vous serez embarqué dans des aventures incroyables. Ma préférée, c'est celle de Nicolas et l'hirondelle Voltigette, deux inséparables amis. Sauf que Voltigette s'en va passer l'hiver au chaud en Afrique et ne reviendra qu'au printemps. Est-ce que les deux amis arriveront à patienter si longtemps? Pour le savoir, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et choisissez le livre à la place du jouet. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Tell Me. La dame de la cantine. Splatch ! Une grosse louche pleine de lentilles s'écrase dans l'assiette et m'éclabousse. On dirait de la bave de limace qui sent la vieille chaussette. Pourtant, j'aime bien les lentilles. Mais la dame de la cantine rate tout. Ses spaghettis ressemblent à de la cervelle prémâchée et ses frites sentent l'huile récupérée dans une décharge. La dame de la cantine, elle a le sourire à l'envers. Avec ses yeux globuleux, ses mains pleines de coupures et son tablier plein de taches, personne n'ose jamais rien lui dire, de peur de finir en bouillie. Mais cette fois, c'est la louche qui fait déborder le vase. Et visiblement, Camélia et Rémi sont d'accord avec moi. Elle le fait exprès ou quoi? J'en peux plus de ces horribles plats. Même les croquettes de mon chien, elles ont l'air meilleures. J'ai une idée. On va ajouter des trucs vraiment répugnants dans nos assiettes et on l'accusera. Comme ça, pouf, elle partira. T'es un génie, Alex. On a qu'à mettre des poils et des cheveux. J'ai dit des trucs vraiment horribles. Des bouts d'ongles. Pas mal. J'ai mieux. Au fond de mon jardin, il y a un coin qui grouille de petits scarabées, on dirait des cafards. Je vais en attraper une poignée et on pourra les lâcher dans nos assiettes. Le lendemain, Rémi revient fier comme un coq. Discrètement, il nous montre un pot rempli à ras-bord de scarabées cafards. C'est ça que t'appelles une poignée? Au moins, on est sûr de pas en manquer. On va devenir les héros de la cantine. Sprouch. Alors que l'affreuse cantinière me verse une louche de haricots gluants ressemblant à des vers, Rémi les assaisonne de quelques scarabées avant d'en semer discrètement dans tous les plateaux que nous croisons en allant nous asseoir. Un premier cri strident retentit, suivi d'un deuxième, d'un troisième et des nôtres. Des élèves jettent leurs plateaux, d'autres grimpent sur leurs chaises ou sur les tables. Les portes battantes de la cuisine s'ouvrent à la volée. Un grand silence envahit la cantine. La dame de la cantine nous jette un regard plein de colère, louche à la main. On peut savoir ce qui se passe? Des cafards! Il y a des cafards dans nos assiettes! Dans la mienne aussi, regardez! Elle s'approche et, d'un geste vif, saisit la bestiole, l'examine et l'écrase entre ses doigts. On est tous dégoûtés et effrayés. Ça, c'est pas un cafard, c'est un scarabée! Et ça n'a rien à faire dans ma cantine! Quel est le petit malin qui les a amenés? On échange un regard inquiet avec les copains. Elle s'en aperçoit immédiatement. C'est vous qui avez fait ça? N'importe quoi. On n'a rien fait du tout. Alors pourquoi votre petit copain a son cartable sous sa chaise? Vous savez très bien que c'est interdit. Elle le prend, l'ouvre, et on se retrouve direct dans le bureau de la directrice. Notre punition? Corvée de nettoyage de la cantine pendant 2 semaines. Mais on se décourage pas. La nuit me porte conseil et dès le lendemain, je leur parle de mon nouveau plan. On va faire semblant d'avoir mal au ventre juste après la cantine. Hier, elle a découvert notre stratagème en 2 minutes. Hein. Mais là, elle ne risque pas, parce qu'on jouera la comédie et on ira à l'infirmerie. On n'a même pas à se forcer pour avoir l'air malade. On a le droit à une choucroute de l'enfer. Dès qu'on pose le pied dans la cour, on commence à se tenir le ventre, à faire semblant d'avoir envie de vomir, et on finit par s'écrouler à terre en se tordant de douleur, tous les trois. L'animateur nous amène direct à l'infirmerie. Rémi s'allonge sur le lit et se fait ausculter en premier. Si j'appuie ici, ça te fait mal? Ah oui, trop. Et là? Oui. Vraiment? Oui. C'est plus grave que je le pensais. Grave comment? Très, très, très grave. C'est ton mollet qui a une indigestion, petit malin. J'appelle tout de suite la directrice. Mais quelle saucisse! Avec Camélia, on se décompose et on prie pour que la directrice soit absente. Sauf que elle arrive, sans fronçage de sourcils, ni grimace. Ça nous inquiète encore plus. À quoi vous jouez tous les trois? On joue à rien. On en a marre de cette cantine. Tout est mauvais. Les choses ne devraient pas tarder à s'améliorer. La dame de la cantine va partir? Sophia? Oh, pourquoi partirait-elle? C'est à cause d'elle que les plats sont horribles. Elle n'y est pour rien. Maintenant, arrêtez vos bêtises. Mais madame la directrice... Il n'y a pas de mais. Si vous continuez, vous serez punis jusqu'à la fin de l'année. On retourne dans la cour de récré dépité. Condamné à manger ces sales plats. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Madame la directrice a dit que ça allait s'arranger. Tu parles? Elle a dit ça pour avoir la paix. Ça se voit qu'elle mange pas la même chose que nous. On va quand même pas rester sans rien faire. Ta sœur? Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ma sœur? Jamais de la vie je lui demande de l'aide. Mais c'est vrai ça? Elle rêve pas de devenir sorcière? Ne me dites pas que vous voulez qu'on lui demande de jeter un sort à la dame de la cantine. La sorcellerie, c'est le truc de ma grande sœur. Sa chambre est remplie de piles de grimoires et de livres qu'elle trouve je sais pas où. Il y a aussi des tas de bocaux avec des machins qui flottent et des boîtes remplies d'insectes et de trucs louches. Personne n'a le droit de rentrer dans sa chambre, ce qui a le don d'agacer maman qui rêve d'y faire le ménage. Quand on frappe à sa porte, on l'entend grogner. Elle ouvre, une odeur d'encens nous pique le nez. Son horrible rat domestique grimpe sur son épaule et nous fixe de ses yeux jaunes. J'espère que t'as une bonne raison de me déranger. Je voulais pas. Mais bon, les copains voudraient faire appel à tes services. Voyez-vous ça? Oui, on aimerait faire disparaître quelqu'un. Disparaître? Carrément. Pas sûr que j'y arrive. Avec le temps que t'y passes? La sorcellerie, c'est pas comme tes jeux vidéo. Mais je veux bien essayer. Rien ne vaut la pratique. Ça va pas lui faire du mal au moins? Mais non, la disparition sera sans douleur. En grande professionnelle, ma sœur trace de drôles de motifs au sol. On s'assoit autour. Au centre, elle place un mixeur dans lequel elle jette jus d'asticot, crottes de hamster, des ongles de pied jaunis et de la cire de bougie. Elle le lance à pleine puissance et chantonne « la fausse obilus, Sophia, Mirando, never again !» au moins 10 fois. D'un coup, le mixeur s'emballe, son couvercle saute et la mixture nous éclabousse. Ma sœur se jette dessus pour l'éteindre. C'était prévu, ça? Bah, bien sûr que oui. Vous pouvez dire adieu à cette affreuse Sophia. T'es sûre? Parce que tu t'y connais en sortilège, toi. Non, mais je rêve. Ah, maintenant, dégagez avant que je vous jette un sort, à vous aussi. On ne se fait pas prier, même si on a l'impression que ma sœur s'est un peu moquée de nous. Sauf que le lendemain, la cantine est fermée pour cause de réparation. Ça devait durer une semaine, et ça dure déjà depuis plus d'un mois. La galère! À la réouverture, la dame de la cantine n'est plus là. On n'en revient pas. Le sort a fonctionné. Sauf que la nourriture n'est pas vraiment meilleure et que le monsieur qui remplace la dame de la cantine n'est pas plus joyeux. Il a même l'air de s'ennuyer. On se dit qu'avec le temps, ça va changer. Mais non. Alors, après plusieurs jours d'attente inutile, on décide de se dénoncer à la directrice. Vos têtes ne me disent rien qui vaille. On est désolé pour la dame de la cantine. Et moi donc? Perdre un si bon élément, c'est une sacrée tuile. On voulait pas la faire disparaître. Je suis sûre qu'on peut trouver un moyen de la faire revenir. Ouais, ma sœur doit bien avoir un sort pour ça. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Sophia a démissionné pour reprendre le restaurant de quelqu'un de sa famille. Son oncle, je crois. On n'en croit pas nos oreilles. Elle, ouvrir son propre restaurant. C'est si invraisemblable qu'on décide de le voir de nos propres yeux. À la sortie de l'école, on s'y précipite. Fermé. Mais alors qu'on tourne les talons, la porte s'ouvre. On se retourne et on voit la dame de la cantine, louche à la main, un tablier tout blanc et un sourire accroché au visage. Vous vouliez me livrer les scarabées? On voulait s'excuser pour ce qu'on a fait. Bon, c'est déjà oublié. Vos fourberies et la fermeture de la cantine m'ont fait réaliser que j'étais vraiment pas à ma place là-bas. C'est vrai, hein? Vous avez l'air contente maintenant. Et comment? Venez avec vos parents ce soir, vous me direz des nouvelles de ma spécialité. Qu'est-ce que c'est? Un petit salé lentille. Et vous savez quoi? C'est totalement vrai. Dans son restaurant, ses plats sont 1000 fois meilleurs qu'à la cantine. Même les lentilles.